Arc-en-ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Arc-en-ciel. C'est aussi ça. Michel Girolier.

En entre, t'es, que des affaires pètent à la bourreille. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc un morceau tout à mon, bien sûr, d'accordéon, c'est la valse avec Nicolas Gondif. Et juste après lui, on écoutera la tarentelle. Et un petit coucou tout simplement à Geneviève. Et plus rien n'a d'importance, c'est quand tu danses une romance, ou si lui. un tour, chacun se lève pour chanter. Et si l'on chanterait encore, s'il ne fallait alors que s'arrêter. Ni les cannes de tous les corses battent avec plus de force et de chaleur. Quand se lève l'ajaxienne, que peut finir une retraite du son cœur. Ajaccio, Ajaccio, au son des guitares viennent les filles et garçons. Ajaccio, Ajaccio, et chacun y chante sa chanson. Et puis ainsi de là, j'avais deux morceaux différents avec Benoît Noirtier. Thank you. Voilà donc, je vous laisse avec tout simplement Angélique Servant et le titre Bienvenue en Haute-Loire. Et juste après elle, on écoutera tout simplement Bleu d'accordéon. Passo, eh bien, je vais dire un petit bonjour à deux personnes que j'aime bien, qui aiment moi aussi le Passo, à un moment, et ainsi qu'à Véronique, qui aime beaucoup le Passo. spécial, un amour de la femme. Claude Caron, il s'appelait. avec le titre, c'est Domino. Et puis juste après, un morceau de Paso Noble. We'll be right back. tous les danseurs. On tape du pied avec les sabots. Merci de rester fidèle à Radio Arc-en-Ciel. Voilà donc après l'Auvergnate, voici donc un accordéon medley de Contrissi. Arc-en-Ciel, c'est aussi ça. Voici donc Claude Coron avec Jolie Bohémienne. C'est la valse. dans toutes nos villes, il se dévoue à qui mieux mieux. Si leur courage est légendaire, ils ont tout ce qu'il faut pour plaire. Lorsque dans leur bel uniforme, portant le casque avec fierté, les filles le soir quand elles s'endorment repensent à ces beaux gars musclés. Hourra les pompiers de nos villes qui méritent d'être à l'honneur. C'est pour cela que notre ville leur chante vive les sapeurs. Les chevaliers du feu, du nord à la Provence, bravant tous les dangers dans toute notre France, ranimant l'asphyxié ou sauvant le noyé, risquant souvent leur vie pour sauver celle d'autrui, en restant dans l'anonymat, braves et vaillants soldats. Hourra les pompiers de nos villes, hourra les pompiers courageux. Depuis longtemps dans toutes nos villes, ils se dévouent à qui mieux mieux. Si leur courage est légendaire, ils ont tout ce qu'il faut pour plaire. Lorsque dans leur bel uniforme, portant le casque avec fierté, les filles le soir quand elles s'endorment repensent à ces beaux gars musclés. Hourra les pompiers de nos villes qui méritent d'être à l'honneur. C'est pour cela que notre ville leur chante vive les sapeurs. Lorsque les éléments se mettent en colère, provoquant l'ouragan et la crue des rivières, nos valeureux pompiers sur place sans tarder sauvent les pauvres gens qui, hélas, bien souvent ont été soudain obligés de tout abandonner. Hourra les pompiers de nos villes qui méritent d'être à l'honneur. C'est pour cela que notre ville leur chante vive les sapeurs. Voici donc retour avec un morceau tout simplement Musette Country, et puis juste après la marche de Forest. radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. D'accordéon avec la polka et puis juste après la valse, c'est la valse des amoureux. tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Arc-en-Ciel, un amour de la femme. C'est donc retour avec une autre valse, c'est la valse des Bruyères. Et donc juste après, on écoutera le tango. Qui nous parle de l'accordéon. Il y a des milliers de raisons pour se dire que nous nous aimons. Il y a des milliers de manières pour chanter tout au long des rivières le refrain que me chantait mon père, la plus belle chanson de la terre. La valse des Bruyères pour tourner à l'endroit, à l'envers. La valse des Bruyères pour faire danser toute la terre. La valse des Bruyères brillera au-delà des frontières. La chanson que chantait mon père, c'est la valse des Bruyères. Mais qui fait revivre en nos cœurs merveilleux bonheur. Souviens-toi de ce tango des jours heureux, du refrain qui fut de nous les amoureux. Cette nuit, je me trouve en l'écoutant, le cœur battant comme à 20 ans. Souviens-toi des violons du temps passé, en fait danser des fiancés. Un accordéon familier prenait un air presque oublié, mélodie d'un cœur amoureux, tambour des jours heureux. Un amour de la femme. Voici donc tout simplement et bien la marche avec un accordéon. Bien sûr, le titre tout simplement c'est les trois caberons. Et puis juste après la valse auvergnate. Sont unis. l'appelait Marie-Madeleine, on l'appelait Marie-Madeleine. Et comme moi, elle aimait son nouvel, les souvenirs de 40 ans. On est parti pour la grande ville, pour la famille, pour les parents. Avec un peu de nostalgie, avec l'espoir de devenir souvent. Je suis heureux, c'est demain les vacances, je vais revoir mon vers mon pays. Car c'est ici que j'ai tourné la page, quitté le verre pour aller à Paris. Je suis heureux, c'est demain les vacances, je vais revoir mon vers mon pays. Car c'est ici que j'ai tourné la page, quitté le verre pour aller à Paris. Hey! valse avec René Grolier, le titre La Pétanque. Et puis juste après, on écoutera toujours la valse avec La Pigale. Un amour de la femme. Arc-en-ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-ciel, c'est le bonheur, tout en couleur. Voici donc la semaine du côté la polka Musette. Et puis juste après elle, on écoutera tout simplement Sous le ciel d'Italie, c'est la marche. Sera pour notre rêve le plus joli des mois. sommes revenus de l'Italie ce soir. Cette musique là, l'accordéon, qu'on va se quitter. Voilà donc, l'émission touche à sa fin. Voilà donc, j'espère que vous avez passé un bon après-midi en ma compagnie. On va se retrouver donc la prochaine dimanche prochain. Et puis donc, émission différente, ainsi le mardi et vendredi prochain aussi qu'on se retrouve. Voilà donc aussi pour tout simplement, eh bien, demain nous serons déjà lundi, donc à partir de 7h, eh bien, vous allez retrouver l'émission de Francky le lundi jusqu'à vendredi. Ça pourrait bien durer toute la nuit. Et sous... 7h, 9h, Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à toutes, eh bien, passez bonne fin d'après-midi et puis donc aussi bon début de semaine pour demain. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. Qui se lance et jadis selon les voies, on ne sait jamais quoi. pensée, ça vous donne des idées. On passe dans les vieux chemins, peut-être un de ces matins, tu viendras avec moi la main dans la main. Une marche pour danser, une marche pour s'aimer. Il faut savoir s'arrêter pour qu'on puisse s'embrasser à l'ombre d'un grand sapin pour nous cacher. Une marche pour danser, pour l'un va en avant. Ne perdons pas de temps, car il faut s'entraîner. Écoute l'orphéon, la trompette, le piston, et puis l'accordéon qui nous donne le ton. Une marche pour danser, ça vous donne des idées. On passe dans les vieux chemins, peut-être un de ces matins, tu viendras avec moi la main dans la main. Une marche pour danser, une marche pour s'aimer. Il faut savoir s'arrêter pour qu'on puisse s'embrasser à l'ombre d'un grand sapin pour nous cacher. Une marche pour chanter dans un refrain entraînant sous un beau ciel de printemps. Toi et moi j'y rêvais depuis longtemps. Une marche pour s'aimer, une étoile au firmament, une étoile pour nous deux, pour avoir des rêves bleus, enfin un grand amour éternellement. Une marche pour s'aimer, une étoile au firmament, une étoile pour nous deux, pour avoir des rêves bleus, enfin un grand amour éternellement. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Há umas que são caladas, outras que são chocalheiras. Há umas que falam muito e essas são as lambareiras. Ai, dias e noites inteiras.